Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Tenu ce jeudi à Bujumbura du Salon industriel du Burundi 2e édition, le numéro 1 burundais a réaffirmé que le Burundi n'acceptera jamais toute forme d'aide de nature à porter atteinte à la souveraineté de l'État. 5 élèves candidats au concours national de la 9e année fondamentale ont été chassés de la salle d'examen ce jeudi matin au centre de passation de Buringa en commune Gihanga pour cause de tricherie. La Fédération de football du Burundi FFB a déjà collecté 450 millions de francs burundais pour soutenir Alezinhamba Murugamba, a précisé ce jeudi Révérien Dikuriyo, président de la FFB, lorsque l'Assemblée nationale a cheminé sa contribution de 49 millions de francs burundais. Vous l'entendrez dans cette édition. Rebonjour et bienvenue. La mise en onde est assurée par Dorine Wimana et Pitas Ndaishimie. Débutons cette édition par cette page commerce. Ouverture ce jeudi à Bujumbura du 2e salon industriel au Burundi par le chef de l'État. Dans son discours de circonstance, le président de la République du Burundi a recommandé au ministre ayant l'industrie dans ses attributions de présenter en Conseil des ministres la politique d'industrialisation qui tient compte du plan national de développement. Pierre Nkurunziza a ajouté que le Burundi n'acceptera jamais toute forme d'aide qui pourra porter atteinte à la souveraineté de l'État. Je vous prie de le suivre. Le Burundi n'acceptera jamais, sous aucune forme, une aide susceptible de porter atteinte à notre dignité, à notre souveraineté ou battre en brèche les valeurs humaines et culturelles des Burundais. Quant à notre politique en matière d'industrie, notre intention est d'établir une plateforme industrielle favorable à l'emploi, à la jeunesse et à notre savoir-faire industriel. Nous saisissons cette aubaine pour recommander au ministère et à l'industrie dans ses attributions de soumettre sans tarder au Conseil des ministres la politique nationale en matière d'industrialisation sur base du plan national de développement 2018-2027. Bien entendu, sans omettre les considérations sous-régionales en cette matière. Nous voulons une industrie respectueuse des exigences environnementales internationales, d'une part, et qui apporte une valeur ajoutée à l'emploi et à la croissance économique, et d'autre part. À cette fin, nous ne resterons jamais les bras croisés. Nous veillerons constamment à la réalisation de ces aspirations collectives. Tout en luttant par tous les moyens possibles contre le marasme économique, nous restons conscient que notre pays n'est pas composé que d'entreprises et de services, mais aussi d'habitants, qui constituent un tissu social fragile et sensible, notamment quand il s'agit de nos enfants et de nos jeunes. Il est en effet absurde et utopique de scander l'attractivité d'un pays quand celui-ci voit sa jeunesse le quitter pour d'autres cieux avec beaucoup de malheur. Mon premier objectif est donc de réconcilier les jeunes avec leur terre, leur patrimoine, leur identité de territoire. Je veux qu'à l'issue de ce salon, ces jeunes avec une vocation industrielle et la certitude de pouvoir mener une carrière professionnelle chez eux au Burundi et pour longtemps. Quant au ministre burundais du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme, Jean-Marie Niokindi, il a précisé que les industries au Burundi contribuent à hauteur de 17% du produit intérieur brut et 2% d'embauche suivie. Au niveau du pays, on constate qu'il y a une augmentation de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries qui sont créées. Et à travers ces initiatives, il y a l'emploi des jeunes, il est très visible. Nous avons effectué plusieurs descentes sur terrain, plusieurs visites au niveau de ces petites et moyennes entreprises, au niveau de ces petites et moyennes industries. Nous avons fait le constat qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont utilisés dans ces entreprises, dans ces industries. Et ce n'est qu'une chose normale parce que ce sont les jeunes qui ont de la force, ce sont les jeunes qui ont de l'intelligence et qui ont des atouts à mettre à la disposition de ces industries. Et de ces usines. Au niveau de ces industries, il faut aussi apprécier qu'ils contribuent au produit intérieur brut à concurrence de 17%. Et ces petites et moyennes entreprises, ces petites et moyennes industries, les grandes usines, ils emploient un peu plus de 2% de la population. C'est une contribution, mais c'est une contribution aussi qui doit être améliorée. C'est un défi que nous connaissons, un défi qu'il faut relever. Ce que je peux dire à l'endroit des jeunes, c'est qu'il y a une banque des jeunes qui est en création. J'inviterai les jeunes à y penser. J'inviterai les jeunes à être plutôt clairvoyants pour monter leur business plan de telle manière qu'ils soient éligibles dans la nouvelle banque qui est dédiée aux jeunes. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette page politique. La lutte contre le chômage et le développement du secteur économique comme le secteur de l'énergie, telles sont les grandes préoccupations du Front populaire national Imboneza, FPN Imboneza, nouveau parti politique qui vient d'être agréé par le ministère burundais de l'Intérieur. Cette annonce a été faite ce jeudi par le secrétaire général et porte-parole de ce 35e parti politique. Au moment de la réception de la lettre d'agrément, Habiya Mbele Arkade fait savoir que son parti est de l'opposition et les membres sont des jeunes avec comme souci de renouveler la scène politique burundaise. Suivez. Le parti FPN Imboneza est là pour servir toute la nation. En matière d'économie, nous allons éradiquer la question du chômage chez les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui parlent du chômage sans toutefois montrer la voie de sortie pour les jeunes. C'est aujourd'hui que le parti FPN va prendre les choses en main pour montrer à la jeunesse comment nous devons lutter contre le chômage. Puis nous avons pris l'initiative de venir parce que c'est la jeunesse qui nous a choisis afin qu'on puisse les représenter ici dans nos pays. Alors, on est prêt à défendre les intérêts de la jeunesse. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en application, à quels moyens vous allez les mettre en application? Dans la lutte contre le chômage chez les jeunes, on va s'organiser dans des petits groupes afin qu'on puisse quand même s'organiser dans les activités agroalimentaires, élevage et tout cela. En fait, quand même, qu'on puisse quand même montrer à la communauté nationale et internationale qu'on est capable de faire quelque chose. Le FPN Imboneza devient le garantie chez les jeunes. Parce qu'il y avait les jeunes qui demandaient des crédits au sein des banques, mais si on te dit des garanties, ça devient impossible. Mais pour le moment, c'est le FPN qui va devenir, je peux dire, le garantie chez les jeunes. Nous avons des problèmes d'électricité ici au Burundi. Et en matière de l'économie, nous avons dit qu'il y a le chômage chez les jeunes. Là, tout le monde le sait. Alors, s'il y a le chômage chez les jeunes, on doit s'asseoir ensemble avec tous les jeunes de voir comment on va tracer les lignes directives pour qu'on arrive à nos objectifs. Parlons hygiène. À présent, une montagne de déchets ménagers se remarque à Kamenge, à la 14e avenue du quartier Mirango 2. Les habitants des parages indiquent que c'est incompréhensible de vivre près d'un dépotoir alors qu'ils payent déjà les frais pour l'enlèvement de ces déchets dans leur ménage. Le point avec Mireille Naomi Nitegek. Un dépotoir se remarque à la 14e avenue du quartier Mirango 2 de la zone Kamenge, commune Nahangwa. À cet endroit, on est accueilli par une odeur nauséabonde et les mouches jusqu'à même 50 mètres. Une montagne de déchets ménagers s'y est érigée. Et en face, une vieille dame vend des fruits et les arachides. Et en aval de cet endroit, on y voit des vendeurs du charbon. Lorsqu'on y est arrivé ce mercredi matin, on a remarqué des va-et-vient, des gens qui viennent jeter les déchets ménagers et les enfants qui viennent viennent y chercher de quoi mettre sous la dent. Ces déchets sont jetés à cet endroit par les habitants de la localité pour éviter que ces déchets s'entassent chez eux alors qu'ils paient les frais pour cette fin. Cette personne rencontrée à cet endroit dit ne pas comprendre comment les associations censées enlever ces déchets ne viennent pas. Le problème est que ces déchets ne sont pas dégagés. Ils se trouvent à côté de la route et ça peut nous causer des maladies. Nous payons l'argent qu'ils nous demandent. Je ne comprends pas pourquoi ils ne viennent pas les enlever. Et pour cette autre personne de demander que ces déchets soient enlevés, sinon les épidémies des maladies liées à des mains sales vont les attraper. Et de préciser que la solution est de continuer à les jeter à cet endroit pour que les autorités concernées décident de les enlever. Nous sommes la cible des maladies. Nous avons déjà payé l'argent pour qu'ils enlèvent ces déchets. À la commune, si tu n'as pas de facture qui montre que tu as déjà payé les frais d'enlèvement des déchets, tu ne peux demander aucun service. Ils continuent à les déposer ici parce qu'il n'y a pas de voiture qui vienne les enlever alors qu'on paie leurs frais. Qu'ils nous disent où passe cet argent. Les autorités passent souvent à cet endroit. On va continuer à les jeter ici jusqu'à ce qu'ils se ressaisissent et enlèvent ces déchets. La population de cette localité ne demande qu'une chose, que ces déchets soient enlevés à cet endroit si tôt possible. Mireille Naomi Nitegeka sur ce, espérance à Kizimana, chef de zone Kamenge, d'être au courant du problème et que le nœud de ce problème est que certains habitants de cette localité ne payent pas les frais d'enlever les déchets ménagers, mais promet de travailler avec les concernés pour résoudre ce problème. Et parlons santé à présent. La semaine africaine de vaccination couplée à la semaine santé mère enfant est prévue du 25 au 28 juin de cette année. Une annonce de l'assistante du ministre de la Santé ce jeudi au cours d'un atelier média. Joseline Sanzerugeze indique qu'à côté de cela, il y aurait d'autres activités de vaccination de tous les enfants de moins de 2 ans qui n'ont pas suivi le calendrier vaccinal. Les mêmes activités qui se poursuivront au-delà de cette échéance suivie. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida organise en date du 25 et 28 juin 2019 une campagne de vaccination dans le cadre de la célébration de la 9e semaine africaine de vaccination qui sera couplée à la première édition de la semaine santé mère-enfant 2019. Et les cibles de cette campagne, c'est pour le rattrapage des enfants qui n'ont pas été complètement vaccinés, qui sont des enfants de 0 à 23 mois. On va rechercher les enfants à travers le dénombrement vont se dérouler sur toutes les collines du pays en date du 18 et 19 juin. Et ce travail sera fait par les agents de santé communautaire, chacun sur sa colline. Et ces enfants, une fois retrouvés qu'ils ont raté l'un ou l'autre vaccin, se trouvant sur le calendrier vaccinal de routine, sera rattrapé au cours de la semaine africaine de vaccination couplée à la semaine santé de l'enfant. À côté de ce paquet, d'autres interventions sont prévues, notamment l'administration de l'albendazole pour les enfants âgés d'une année à 14 ans. Et la cible de ce paquet, ce sont des enfants qui sont au nombre de 1 574 601 sur tout le territoire national. Mais aussi, l'albendazole sera donné aux femmes enceintes deuxième, troisième trimestre de grossesse qui sont au nombre de 279 621. Et il y aura aussi l'administration de la vitamine A pour les enfants âgés de 6 mois à 59 mois. Et ces enfants sont au nombre de 1 795 167. Joseline Sanzerugeze, assistante du ministre burundais de la Santé. Parlons cette fois-ci santé animale. Campagne de vaccination des chèvres et moutons depuis ce mercredi contre la peste des petits ruminants dans 5 communes sur les 9 de la province Ngozi. Cette maladie qui a occasionné des centaines de décès de ces bêtes au mois de mai en commune Tangara a poussé les autorités à l'interdiction de tout mouvement des chèvres et moutons et la consommation de leurs produits, une mesure qui a affecté la santé financière de la commune gachikanoise abritant un marché régional de bétail. Une information que nous devons à notre correspondant en province Ngozi, Apollinaire Muzagara. En page éducation, 5 élèves candidats au concours national qui venaient de passer 2 jours à faire cet examen au centre de passation de Buringa en commune Gihanga de la province Bubanza ont été chassés de la salle d'examen. Ce jeudi matin, selon les témoins sur place à Wuringa, ils ont été attrapés ce mercredi en train de tricher. Certains avaient même écrit sur leur brouillon les réponses des examens que faisaient leurs camarades à côté. Ils ont donc été empêchés de continuer les examens ce jeudi et tout ce qu'ils avaient déjà fait doit être annulé, selon les responsables scolaires de la localité. En page sécurité de cette édition, un enseignant du lycée Bururi en commune et province Bururi a été tué, décapité la nuit de ce mercredi à jeudi. Des inconnus ont tué Alexis Niyongabo près de chez lui à Kabouye, selon la police à Bururi, qui indique que des enquêtes ont commencé pour identifier et traduire en justice les auteurs de ce crime. Des précisions de Jean-Pierre Misago. Trois personnes font l'objet d'un début d'enquête afin de savoir les auteurs et les mobiles du meurtre qui a emporté la vie à Alexis Niyongabo, historien enseignant au lycée Bururi, dont le corps décapité a été retrouvé ce jeudi matin à moins de 50 mètres de chez lui à Kabouye, au chef-lieu de la province Bururi, selon le commissaire provincial de Bururi. Son téléphone portable ainsi que l'argent d'un crédit que cet enseignant avait obtenu ont été volés par ses bourreaux. Les habitants du chef-lieu de la province de Bururi disent faire face actuellement à une recrudescence du banditisme dans les ménages et en cours de chemin quand on rentre le soir, surtout les femmes, et demande le renforcement de la sécurité. Frédéric Niozima, gouverneur de Bururi, estime que cet enseignant serait victime de son crédit obtenu et dit que la sécurité d'une personne incombe avant tout à lui-même. Il appelle les habitants de cette localité de renforcer la quadrilogie afin de sauvegarder la paix et la sécurité. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Quittons la province Bururi à 13h13 dans les studios de la Radio Isanganiro pour nous rendre en province Bubanza, c'est à l'ouest du Burundi. Pour parler environnement, le représentant de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle, déplore le fait que certaines personnes continue à détruire les plantations de pinus à la lisière de la Kibira en y cherchant de nouveaux morceaux de tiges, souvent utilisés pour allumer le charbon. Balthazar Nichimbikije indique qu'il y en a qui viennent chercher ces tiges à partir d'autres provinces limitrophes de Rugazi et demande aux autorités de s'y mettre afin de protéger ces plantations. Une correspondance signée Spescaritas Cabagnana. Ces plantations de pinus qui datent des années 60 sont surtout menacées sur les collines de Nyengarange, Karambira, Ndubura et Gasumo. C'est à la frontière de la forêt naturelle de la Kibira. Les habitants de cette localité indiquent qu'il s'agit des gens, les uns des mêmes collines, les autres qui viennent de Kayanza et Muramvya à travers la Kibira et creusent les arbres de pinus en cherchant des tiges souvent utilisées pour allumer le charbon. Ces petites tiges sont vendues dans d'autres provinces, surtout à Bujumbura, selon la même source. Le représentant de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle, déplore les faits et demande à la population de cesser ce mauvais comportement qualifié de destruction de l'environnement. Balthazar Nichimbikije explique qu'après avoir constaté que les pinus de cette localité sont menacés, il a contacté l'administration, les forces de l'ordre et d'autres intervenants dans le domaine de l'environnement et ils ont commencé à organiser des patrouilles ensemble dans ces collines et cela a fait que ce mauvais comportement cesse, même si des cas isolés ne manquent pas, comme il le dit. Balthazar Nichimbikije demande aux autorités de Kayanza et Muramvya, côté proche de Lugazi, de sensibiliser et d'interdire à la population de continuer à détruire ces plantations de pinus. Spescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. En page culturelle, dans le but d'offrir un plateau d'expression aux artistes évoluant dans différents domaines, le collectif Geo-Slam a créé un festival de slam sous le thème Vuga, un mot qui veut dire en français parle. Ce premier festival de slam au Burundi débutera le 3 juillet pour prendre fin le 6. Et ce sont des propos du prince charmant Iradukunda, chargé de la communication. C'était ce jeudi lors d'une conférence de presse organisé par ce groupe à l'Institut français du Burundi. Suivez. Le message que nous voulons donner avec le festival Vuga organisé par Geo-Slam, c'est d'abord un message de résilience et nous usons le slam comme un vecteur de transmission de messages pour changement, un changement de comportement, un changement de manière, un changement qui nous amène à nous questionner nous-mêmes et puis à nous développer et à nous épanouir convenablement. avec le slam, les gens pourront s'exprimer. Les gens pourront s'exprimer sur différentes thématiques, sur la femme, sur l'homme, sur l'environnement, sur l'entourage, sur la fraternité, sur les différents thèmes qui seront là. Comme le slam est libre, les thèmes aussi seront libres, mais pourvu qu'il y ait un changement, qu'il y ait un message qui va produire quelque chose de nouveau à celui qui va l'écouter. Les artistes étrangers qui sont invités, nous aurons Ruda Vena de la France, nous aurons Lidol Vena du Cameroun, nous aurons aussi Kaila Vena du Madagascar, nous aurons Croque-Mort Vena du Tchad, nous allons avoir aussi un photographe tunisien qui va venir pour la formation de photographie. Donc il y aura aussi des concerts qui vont avoir lieu. L'idée avec les Street Slam, c'est d'aller vers le public des quartiers pour leur transmettre nos messages à travers le slam, pour faire découvrir à ces gens-là ce que c'est le slam. Et peut-être qu'ils vont aimer, parce que moi je me dis bien que le slam aussi existait à l'époque du Burundi ancien, sous d'autres formes de poésie, comme Ibichua, Mazina et d'autres. Mais maintenant, à l'époque moderne, nous utilisons le slam. Donc quelque part, ils vont découvrir ce qui le Burundi ancien dans le slam. Dernière nouvelle de cette édition, 49 millions de francs burundais, c'est la contribution que l'Assemblée nationale et les autres associations ont donnée à la Fédération burundaise de football FFB ce jeudi pour soutenir l'équipe nationale Intambamurugamba. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, précise que l'institution qui représente est satisfaite du pas déjà franchi par l'équipe nationale pour honorer l'image du Burundi à l'étranger. Quant à Révérien Dikuriyo, président de la FFB, il a fait savoir qu'ils ont déjà collecté 450 millions de francs burundais pour soutenir les Intambamurugamba. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Mireille Kanyangi.